alchimie pour répondre précisément à votre question, ce n'est pas ce que disent les encyclopédies, même les meilleures, ordinairement, à savoir que l'alchimiste fait de l'or, veut faire de l'or. Le vrai but de l'alchimie, réel, unique, c'est la pierre philosophale, mieux, la médecine que j'aime, qui a la vertu de lui assurer, d'assurer à l'alchimiste qui a réussi, donc qui est devenu adepte, de lui assurer l'existence au-delà des ordinaires de la vie humaine, et puis de lui assurer, de lui donner sur le champ comme un don de Dieu, pour bien dire, bien donner l'expression, la connaissance de Tatou, pas seulement celle du passé, mais aussi de l'avenir. Est-ce que c'est pour vous la quête qui est la chose essentielle, ou bien est-ce que le fait tout de même de travailler une matière, de la travailler d'une manière régulière, de travailler d'une manière manuelle, est aussi important que cette quête intérieure? Elles vont de pair. Il y a une communion, car l'alchimie ne va pas sans sa philosophie. Il doit y avoir une communion précisément très étroite de l'artiste et de sa matière, de l'alchimiste et de sa matière. Est-ce que vous êtes proche, pour vous, de ce résultat? De cette découverte? Oui, oui. Bien sûr, j'approche. La voie est simple, mais tout de même assez difficile à réaliser, surtout la coction. Car je travaille par voie sèche. Alors c'est la voie au creuset, ça n'est pas la voie au... Je vais vous demander quelle est la différence entre la voie sèche et la voie humide. Tout simplement celle-ci, à savoir que la voie sèche s'effectue dans des vaisseaux de terre. La voie humide s'opère dans les ballons, dans les instruments de verrerie, de verre. Et alors que... Comment? Je voulais simplement vous demander si ce travail, si cette quête vous remplissait d'une joie suffisante ou si vous attendiez nécessairement le résultat. Non, la joie est constante. C'est la joie de tous ceux-là qui cherchent, n'est-ce pas? C'est cette progression qui intervient heureusement, qui entretient l'espoir et avec l'espoir l'enthousiasme. C'est bien la loi pour tous les chercheurs, sinon nous ne continuerions pas. S'il n'y avait pas de loin dans loin un encouragement, quelque chose qui vient vous dire « tu es dans la voie ». L'alchimiste qui est dans la bonne voie est en mesure de recueillir le rayonnement cosmique, si vous voulez, qui lui-même est composé de divers. Dans certaines conditions, surtout avec l'intervention de la Lune, en mesure de le recueillir, d'en constater la couleur et le poids, et non pas des traces, non pas des radiations, non pas de l'énergie, déceler dans des chambres spéciales, du haut, non, tout bonnement. Merci. On dirait un serpent ivre, mais en réalité il a une logique, un principe, qui doit être le suivant. Construisez une tour au sommet d'une colline, puis regardez vers l'ouest, et cherchez le point le plus haut dans un rayon d'environ 70 mètres, disons. Soit le périmètre qu'éclaire une lanterne la nuit. Là, bâtissez une autre tour. Enfin, reliez les deux tours par un chemin haut de quelques mètres et pourvu de rebords. Si, pour ce faire, vous devez descendre dans un renfoncement puis remonter de l'autre côté, vous le ferez avec patience et sérénité, sans perdre votre calme. Si vous devez gravir une côte très raide, vous le ferez sans vociférer, avec fermeté et détermination. Répétez ce geste pendant deux siècles, et vous obtiendrez la Grande Muraille de Chine. En cours de route, il est très important de ne jamais changer d'avis. Je connais des gens qui vivent de cette façon. Je dois en conclure que marcher pendant 7 heures sur la Grande Muraille est ce qui s'apparente le plus à marcher pendant 7 heures, tout en restant au même point. Il n'y a pratiquement pas de changement. On est accompagné par un seul et unique geste architectural, immuable pendant des kilomètres, qui nous présente toujours la même taille des pierres, la même couleur des rebords, la même conception des marches, kilomètre après kilomètre. Toutes les tours sont identiques. Seule la perspective changeante des montées et des descentes nous assure qu'en dépit des apparences, nous avançons bel et bien. Tout autour, la campagne est inchangée. Quand on est allé assez loin pour ne plus risquer de rencontrer qui que ce soit, le pouvoir hypnotique de cette balade surréaliste est étonnant. Et les pas qu'on fait commencent réellement à donner la sensation d'une descente en nous-mêmes, où le reste de mouvement horizontal qu'on perçoit encore tend à se perdre dans l'impression bien plus claire d'une descente verticale, presque d'une chute, lente et rythmique, vers un point aveugle situé juste sous nos pieds. Et donc, tandis qu'on prend la fatigue pour une forme d'ascèse méditative, le monde s'éteint dans le tracé de la muraille. La muraille s'éteint sous nos pas. Et nos pas s'éteignent dans les mouvements de notre esprit. Et finalement, il reste le noyau dur d'une pensée, dans cet air pur de l'esprit que j'ai rejoint après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Monsieur Bertin, je me dis. La bonne vieille technique de M. Bertin. Patience, effort, silence, temps et profondeur. Récompense, la pensée, approcher du sens des choses. Alors je m'arrête et l'espace d'un instant, j'ai la certitude absolue et erronée que son modèle est indiscutablement supérieur. La seule façon possible de penser, je songe, c'est autre chose que les barbares. Naturellement, je sais que c'est faux. Mais là-haut, il n'y a personne pour contrôler. Personne ne s'en apercevra si je triche un court instant. Pour finir, tout ce que j'ai appris en écrivant ce livre et tout ce que j'ai compris se déploie devant mes yeux de façon laborieusement ancienne. En général, on pense que la Grande Muraille est une construction très ancienne, une sorte de monument extrême qui plonge ses racines dans la nuit des temps. En réalité, telle que nous la connaissons, avec son serpent de mur qui relie une tour à l'autre, suivant passivement le relief du paysage, la Grande Muraille est relativement jeune. Sa construction a duré 2 siècles, entre le 15e et le 17e. C'est une dynastie singulière, les Ming, qui en a accouché. Leur obsession spectaculaire. Apparemment, il s'agissait de se défendre contre les attaques des nomades venus du nord, en dressant un mur qui s'étend de la côte jusqu'aux profondes régions occidentales. En fait, la question était bien plus compliquée. Là où nous avons tendance à voir un dispositif militaire, se cachait plutôt un mode de pensée. Au nord, dans la steppe, il y avait les barbares. C'étaient des tribus nomades qui ne cultivaient pas la terre, leur préférant le saccage et la guerre comme moyen de subsistance. Elles étaient donc magnifiquement étrangères au raffinement de la civilisation chinoise. Quand le besoin leur en prenait, elles faisaient pression sur les frontières de l'Empire et proposaient des échanges commerciaux. Et c'est là, en cas de refus, elles attaquaient. La plupart du temps, elles mettaient à sac le territoire et retournaient à l'endroit d'où elles étaient venues. Mais il ne manqua pas de quelqu'un pour conquérir tout l'Empire. Kubilai Khan était mongol. Et le dernier empereur de Chine, celui qui fut détrôné en 1912, était Mandchou, deux barbares montés sur le trône. Impensable, mais vrai. Pendant des siècles, les différentes dynasties qui se succédèrent au pouvoir se posèrent donc le problème de savoir comment faire face à cette variable dangereusement imprévisible qui troublait la quiétude de l'Empire. La muraille était une option, mais pas la seule. Il y avait au moins 2 autres solutions possibles. La première était d'envahir les territoires barbares et de les soumettre. Plutôt logique pour un empire, mais difficile à réaliser. Les nomades étaient de formidables combattants et, pour les vaincre, il fallait d'une certaine façon accepter leur mode de combat. Sur ce qu'il en est de la naissance en ce lieu. En outre, si l'on parvenait à les vaincre, que faire ensuite de ces steppes inhospitalières? Comment les surveiller? La troisième option, c'était de se forcer à faire du commerce avec eux. Se forcer, je dis. car l'idée d'échanger des biens avec ces barbares était vue comme une faiblesse à la limite de l'inconcevable. Vous imaginez l'empereur céleste assis à la même table qu'un barbare, acceptant son chantage et offrant du précieux blé contre d'inutiles chevaux. Dieu ne négocie pas avec les sauvages. Il n'accepte pas leurs présents, ne reçoit pas leurs ambassadeurs, n'envisage même pas de lire leur missive. Pour lui, ils n'existent pas. Mais le fait est qu'ils existaient bel et bien, ceux-là. Et donc pendant des siècles, l'establishment militaire et intellectuel chinois a dû faire face au dilemme des trois possibilités. Attaquer, commercer ou dresser un mur. Ça semblait une question de stratégie militaire. Mais ils en firent un problème quasi philosophique, pressentant que prendre une telle décision revenait à adopter une certaine idée de soi-même, une certaine définition de ce qu'était l'Empire et la Chine. Ils savaient qu'attaquer et commercer étaient des gestes qui, d'une certaine façon, obligeaient l'Empire à sortir de sa tanière et l'identité chinoise à se confronter avec l'existence de gens différents. Le mur, lui, semblait la consécration même de la perfection réalisée de l'Empire, la certification physique de sa nature de monde complet et achevé. Il faisait donc mine d'interpeller les généraux, mais c'était des philosophes qu'ils attendaient une réponse, nous enseignant pour toujours que dans ses rapports avec les barbares, toute civilisation porte en soi l'idée qu'elle se fait d'elle-même, et que, lorsqu'elle lutte contre les barbares, toute civilisation finit par choisir non pas la meilleure stratégie pour vaincre, mais celle qui renforce le mieux son identité. Car le cauchemar de la civilisation n'est pas d'être conquise par les barbares, c'est celui d'être contaminée. Elle n'arrive pas à imaginer la défaite contre ces morts de faim, mais elle a peur quand les combattants, elle en ressortent modifiés, corrompus. Elle a peur de les toucher. Tôt ou tard, quelqu'un a donc cette idée. Le mieux, ce serait de dresser un mur entre eux et nous. Les Chinois l'ont eu de nombreuses fois au fil des siècles. C'était la seule façon de combattre sans se salir les mains ni risquer la contagion. C'était le seul système permettant d'annihiler une chose dont on n'est pas disposé à admettre l'existence. D'un point de vue philosophique, c'était génial. Cependant, d'un point de vue militaire, ça n'a jamais fonctionné. Aucune muraille, ni celle que nous voyons aujourd'hui, ni les autres, plus modestes, qui l'avaient précédée, n'a jamais eu la moindre efficacité. Les barbares se présentaient au pied de la muraille, ils râlaient un peu, puis ils faisaient pivoter leur cheval, quelques dizaines de milliers de chevaux, et ils se mettaient à galoper le long du mur. Arrivés au bout, ils le contournaient et envahissaient la Chine. Ils le firent à plusieurs reprises. C'étaient des nomades. Ils étaient nés à cheval. Quelques milliers de kilomètres de plus ou de moins ne faisaient aucune différence pour eux. Plus rarement, peut-être sous l'emprise d'une impatience bien compréhensible, ils attaquaient un point du mur. Ils créaient une brèche et déferlaient de l'autre côté. Il n'y a donc aucun doute. Construire, entretenir et surveiller cette muraille avait un coût complètement disproportionné par rapport à son utilité militaire. Seul un général crétin a pu concevoir un tel plan, ou un philosophe génial, comme on commence à l'entrevoir. Voici donc ce que nous sommes autorisés à penser de la Grande Muraille. C'était une opération moins militaire que mentale. On dirait la fortification d'une frontière, mais c'est en fait l'invention d'une frontière. C'est une abstraction conceptuelle, si fermement installée et de façon si irrévocable que c'en devient un énorme monument physique. C'était une idée écrite avec de la pierre. L'idée, c'était que l'Empire représentait la civilisation, alors que tout le reste était la barbarie, et donc la non-existence. L'idée, c'était qu'il ne s'agissait pas d'hommes, mais il y avait des Chinois d'un côté et des barbares de l'autre. L'idée, c'était de tracer une frontière pour les séparer. Si le barbare qui était nomade ne la voyait pas jusque-là, désormais il la verrait. Et si le Chinois qui avait peur de lui l'oubliait, désormais il se le rappellerait. La Grande Muraille ne les défendait pas contre les barbares, elle les inventait. Elle ne protégeait pas la civilisation, elle la définissait. C'est pour cette raison que nous pensons qu'elle est là depuis toujours. Parce que c'est l'idée très ancienne, chinoise, d'être la civilisation et la totalité du monde. Même quand la muraille n'était qu'une enfilade de terre plein esquissée ça et là, pour nous c'était déjà la Grande Muraille, car elle était rocheuse, monumentale. Elle incarnait déjà l'idée que cette frontière existait. Pendant des siècles, elle ne fut guère plus qu'une image mentale, très réel, mais physiquement effacé. C'est que cette incarnation. Par conséquent, lorsque Marco Polo se rendit là-bas, puis qu'il raconta ce qu'il y avait vu, il ne dit rien de la muraille. Possible, non seulement possible, mais logique. Kubilai Khan était mongol. L'empire que Marco Polo découvrit était celui des barbares vainqueurs, venus du nord pour conquérir la Chine. Cette idée de frontière était-elle présente dans leur esprit ? Non. Et, une fois disparue de leur esprit, la Grande Muraille n'était guère plus que quelques singulières fortifications perdues dans le nord du pays. Pour tout Marco Polo de passage, elle était invisible. Aujourd'hui, dans la Grande Muraille, nous pouvons lire, nous, la plus monumentale et la plus belle énonciation d'un principe, la division du monde entre civilisation et barbarie. C'est ce qui m'a poussé à venir jusqu'ici. Je voulais marcher sur l'idée à laquelle j'avais consacré ce livre et mesurer ici ce que j'avais appris. Je tiens à le dire le plus simplement possible. Quoi qu'il soit en train de se passer, quand nous avons senti souffler dans notre cou la menace d'un saccage, le geste que nous avons choisi de faire a consisté à dresser une grande muraille. Apparemment, nous l'avons fait pour nous défendre. Et nous sommes encore convaincus, en toute bonne foi, que c'était vraiment notre but. Nous célébrons l'héroïsme modeste de ceux qui la défendent tous les jours, ceux qui construisent obstinément des milliers de kilomètres de murs. Même le constat évident que cette muraille n'a en rien réduit les invasions ne nous fait pas changer d'avis. Nous continuons à perdre du terrain, pourtant le spectacle grotesque d'élégants ingénieurs qui peinent à dresser ce mur nous paraît toujours aussi louable. La vérité, c'est que nous ne défendons pas une frontière, nous l'inventons. Nous avons besoin de ce mur, pas pour tenir à distance ce qui nous fait peur, mais pour lui donner un nom. Là où se trouve ce mur, nous disposons d'une géographie que nous connaissons, la seule, nous d'un côté, les barbares de l'autre. C'est une situation qui nous est familière, une bataille que nous savons livrer. À la limite, nous pouvons la perdre, mais nous saurons que nous nous sommes battus du bon côté. À la limite, nous pouvons perdre, mais pas nous perdre. Alors va pour la Grande Muraille. Mais c'est une mutation, une affaire qui concerne tout le monde sans exclusion. Même les ingénieurs là-haut, sur les tours de la muraille, ont déjà les traits somatiques des nomades qu'en théorie ils combattent. Ils ont de l'argent barbare en poche et de la poussière des steppes sur leur col amidonné. C'est une mutation. Pas un petit changement, une inexplicable dégénérescence ou une maladie mystérieuse. Une mutation accomplie pour survivre. S'il y avait... Le choix collectif d'un habitat différent et protecteur. Savons-nous, ne serait-ce que vaguement, ce qui l'a provoqué ? Me viennent sans nul doute à l'esprit certaines innovations technologiques, à l'impact décisif. Celles qui ont comprimé l'espace et le temps, resserrant le monde. Mais elles n'auraient probablement pas eu un tel effet si elles n'avaient coïncidé avec un événement qui a ouvert grand le champ social. La chute de barrières qui, jusqu'ici, avait tenu une part significative des hommes à distance de l'expérience du désir et de la consommation. C'est à ces homines novi, admis pour la première fois dans le royaume des privilèges, que nous devons vraisemblablement l'énergie cinétique indispensable à la réalisation d'une vraie mutation. Non pas les contenus de cette mutation, qui semblent être encore le produit d'élites éclairées, mais assurément la force nécessaire pour la mettre en œuvre. Et le besoin. C'est très important, le besoin. C'est certainement d'eux que vient la conviction selon laquelle, sans mutation, nous sommes finis, des dinosaures en voie d'extinction. Quant à comprendre en quoi consiste précisément cette mutation, ce que je peux dire, c'est qu'à mon avis, elle repose sur deux piliers fondamentaux, une idée différente de ce qu'est l'expérience et une dislocation nouvelle du sens dans le tissu de l'existence. C'est le cœur de la question. Le reste n'est qu'une suite des faits. La surface à la place de la profondeur, la vitesse à la place de la réflexion, la séquence à la place de l'analyse, le surf à la place de l'approfondissement, la communication à la place de l'expression, le multitâche à la place de la spécialisation, le plaisir à la place de l'effort. Un démantèlement systématique de tout le bagage mental hérité de la culture du 19e siècle, romantique et bourgeois, jusqu'à des niveaux scandaleux, la laïcisation brutale de tout geste, l'attaque en règle contre la sacralité de l'âme, quoi qu'elle recouvre. C'est ce qui se passe autour de nous. Il existe une façon simple de définir le phénomène, les invasions barbares. Et chaque fois que quelqu'un se dresse pour dénoncer la moindre misérable transformation, se dispensant du devoir de la comprendre, la muraille se rehausse et notre cécité augmente, idolâtrant une frontière qui n'existe pas, mais que nous nous vantons de défendre. Croyez-moi, il n'y a pas de frontière, pas de civilisation d'un côté, ni de barbares de l'autre. Seulement le front de la mutation qui progresse et déferle en nous. Nous sommes des mutants, tous, ceux qui sont évolués et ceux qui le sont moins, ceux qui sont un peu en retard et ceux qui ne se sont encore aperçus de rien, ceux qui font les choses par instinct et ceux qui en sont conscients, ceux qui font mine de comprendre et ceux qui ne comprendront jamais, ceux qui freinent des quatre fers et ceux qui préfèrent la fuite en avant. Mais nous migrons tous vers l'eau. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une condition liée à une certaine génération, ceux qui ont entre 30 et 50 ans. Je nous voyais là, au milieu du gué, l'esprit d'un côté et le cœur de l'autre, ni mammifère, ni poisson, déchiré par une mutation qui se serait produite trop tard ou trop tôt, de petit monsieur Bertin qui surfe laborieusement. Mais, en écrivant ce livre, il m'est apparu de plus en plus clairement que cette condition est commune à tous, que le désir incertain et la schizophrénie irrévocable des premiers mutants sont le mot d'ordre narquois qui nous attend. Contemplant le museau des chevaux et le visage des gens, tout puissant courant sans rive, mu par ma volonté et se précipitant vers le néant de la steppe pourpre au crépuscule. Souvent je songe, où suis-je, moi, dans ce courant ? Sachez que l'astre féminin. S'il existe une réponse à cette question, que Gengis Khan ne s'est jamais posée, c'est l'écrivain Victor Pelvin qui la lui prête dans la mitrailleuse d'argile. Une question que nous pourrions tous nous poser, je ne me l'imagine guère différente de ceci. Nous sommes tous au même point, dans le seul lieu qui soit et dans le courant de la mutation, où nous appelons civilisation ce que nous connaissons et barbarie ce qui n'a pas encore de nom. Et contrairement à d'autres, je pense que c'est un lieu magnifique. La petite pension au pied de la muraille a des lanternes rouges et des fenêtres en aluminium anodisé. Il n'y a pas d'eau chaude, mais on peut regarder la télévision et je vois sur l'écran quelqu'un qui joue de la flûte en soufflant par le nez. Que je regarde un téléfilm dans lequel un enfant vomit ses spaghettis. C'est parfait. En cette soirée éclairée au néon, je peux écrire la dernière chose que j'ai à dire. Il n'est nulle mutation qui ne soit gouvernable. Abandonner le paradigme du choc des civilisations et accepter l'idée d'une mutation en cours ne signifie pas qu'il faille prendre ce qui arrive tel quel, sans y laisser la trace de nos pas. Ce que nous deviendrons demeure la conséquence de ce que nous voudrons devenir. Le soin, l'attention, la vigilance sont donc particulièrement importants. Il est aussi inutile et grotesque d'élever de prétentieuses murailles sur une frontière qui n'existe pas, qu'il serait utile au contraire de naviguer intelligemment dans le courant, avec l'idée d'une direction et des compétences de marin. Ce n'est pas le moment de s'effondrer comme des sacs de pommes de terre. Naviguer, telle est notre tâche. Exprimé en termes basiques, je crois qu'il s'agit de décider ce que nous voulons transporter de l'ancien monde vers le nouveau. Ce que nous voulons conserver intact, malgré les incertitudes d'un voyage difficile. Les liens que nous ne voulons pas briser, les racines que nous ne voulons pas perdre, les paroles que nous voudrions encore entendre, et les idées que nous ne voulons pas cesser de caresser. C'est un travail raffiné, méticuleux, dans le courant violent, mettre à l'abri ce qui nous est cher. C'est un geste difficile, car ça ne signifie pas mettre à l'abri de la mutation, mais toujours dans la mutation. Et ce qui sera sauvé ne sera jamais ce que nous avons conservé à l'abri des temps nouveaux, mais ce que nous avons laissé muter et qui redeviendra soi-même dans un temps nouveau. À ce stade, il faudrait un joli paragraphe pour expliquer ce qu'il conviendrait, d'après moi, de mettre à l'abri dans la mutation. Mais le fait est qu'en la matière, je n'ai pas les idées très claires. Je sais qu'il y a des choses, mais quoi ? C'est difficile à dire aujourd'hui, précisément. Difficile. Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est une page de Cormac McCarthy, un passage de « Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme ». Un livre vraiment sombre. On dirait la capitulation pure et simple face à une mutation désastreuse, sans issue et sans espoir. Pourtant, à un certain point, le shérif passe près d'une chose étrange, une sorte d'abreuvoir creusé au ciseau dans la pierre dure. C'est la dernière page du livre. Il voit l'abreuvoir et s'arrête. Il l'observe. Celui-ci est long de près de 2 mètres, large de 50 cm et profond d'autant. On reconnaît encore les marques du ciseau dans la pierre. Il doit être là depuis 100 ou 200 ans, dit le shérif. Et donc, poursuit-il, j'ai pensé à l'homme qui l'a fabriqué. Il s'est mis là avec un marteau et un ciseau, et il a sculpté un abreuvoir susceptible de durer 10 000 ans. Pourquoi ? En quoi cet homme croyait-il ? Vous devez imaginer le shérif très fatigué à ce stade. Il n'a plus foi en rien et s'apprête à raccrocher son étoile pour toujours. C'est ainsi que vous devez vous le représenter. Tandis qu'il se demande pourquoi diable un type s'est mis à sculpter un abreuvoir en pierre dans l'idée qu'il dure 10 000 ans. En quoi faut-il croire pour avoir des idées pareilles ? En quoi croyons-nous pour avoir encore l'instinct aveugle de mettre quelque chose à l'abri ? McCarthy, lui, l'écrit ainsi. Alors je pense à cet homme qui venait de s'asseoir là, avec son marteau et son ciseau. Peut-être juste une heure ou deux après le souper, je ne sais pas. Et je dois dire que la seule chose que je peux imaginer, c'est qu'il y avait comme une promesse dans son cœur. Et je n'ai pas du tout l'intention de tailler un abreuvoir dans la pierre. J'aimerais pouvoir faire ce genre de promesse. Je crois que c'est ce que j'aimerais plus que tout au monde. Beaucoup d'applaudissements à la télévision, car le type qui jouait de la flûte en soufflant par le nez fait à présent tenir sur sa tête un nombre impressionnant d'assiettes et de verres. Sur une autre chaîne, je tombe sur le Milan AC. Le ballon circule en vain. Dehors, dans l'obscurité, la grande muraille, plongée dans la pénombre sans histoire d'une nuit chinoise. La mécanique quantique est une science développée au début du XXe siècle, décrivant le comportement de très petits objets, comme les atomes qui composent la matière et les photons qui composent la lumière. Ces prédictions étranges ont perturbé les plus grands physiciens de l'époque, dont le fameux Albert Einstein. En 1935, avec deux de ses collègues, Boris Podolsky et Nathan Rosen, publie un article aujourd'hui connu sous le nom d'EPR, dans lequel il démontre que le formalisme quantique est plus grand phénomène échappant complètement à notre intuition humaine, l'intrication. Deux particules intriquées mélangent en quelque sorte leurs propriétés, de manière à ne former qu'un seul et même système physique, et ce, quelle que soit la distance qui sépare les deux particules. Sorte de front, conception classique physique qui est que chaque particule porte ses propriétés. Ses propriétés lui appartiennent même. Et donc, EPR ont compris que en mécanique quantique, c'était plus près en particulier quand on avait des systèmes composites formés de plusieurs sous-ensembles qui devenaient très très problématiques d'attribuer les propriétés à chacun des sous-systèmes. EPR démontre que dans de tels systèmes intriqués, une modification des propriétés de la particule A influencera instantanément les propriétés de la particule B, même si celle-ci se trouve à l'autre bout de l'univers. Une impossibilité selon Einstein qui tendra à prouver que la théorie quantique n'est pas complète. Niels Bohr, un autre père fondateur de la mécanique quantique, va s'opposer catégoriquement à cette interprétation. En fait, quand on fait la mesure de B, on fait aussi une mesure de A, peu importe la distance entre les deux particules. Et ça, Einstein détestait ça, parce que ça voulait dire qu'il y avait une sorte d'action à distance. Il appelait ça spooky action à distance. Ce débat autour de l'interprétation des états intriqués évoluera très peu pour les décennies suivantes. Il faut attendre 1964 et le coup de génie de John Bell pour que la communauté scientifique réalise que la question peut être tranchée avec une expérience. Jusque-là, c'est uniquement un débat sur l'interprétation. Einstein ne remet absolument pas en cause la façon de faire une mécanique quantique. Et ce que John Bell va découvrir, à sa grande surprise, il a été très surpris dans sa découverte, c'est que si on adopte le point de vue d'Einstein, eh bien il y a un moment où on entre en contradiction avec ce que prévoit le formalisme. Et donc du coup, on a deux prédictions différentes. Et la réaction normale d'un physicien, c'est de dire, eh bien, nous regardons ce que nous dit la nature, c'est-à-dire nous faisons l'expérience et regardons le résultat de l'expérience. Entre 1980 et 1982, Alain Aspect, qui distribué par Philippe Grouchy et Jean Bonnivard, mènera à l'Institut d'Optique une série d'expériences portant sur des paires de photons intriqués afin de tester les équations de John Bell. Le résultat, qui vient compléter les expériences de Clauser et Friedman quelques années auparavant, donne raison à l'espoir et montre que le formalisme quantique est bien compris. Paf, le résultat est pile poil par rapport à la mécanique quantique. Évidemment, ça t'entraîne à penser que la mécanique quantique, ça marche très bien. L'expérience d'Oxford a prouvé de manière irréfutable que les inégalités de Bell étaient violées, c'est-à-dire que la position de Bohr était la bonne. Et donc ça a prouvé la réalité physique des états intriqués, de l'intrication quantique. Alors, évidemment, ici on est dans un milieu où on infuse, hein, on va dire, dans ce qui a été fait en optique et en optique quantique depuis bientôt plus de 30 ans maintenant. Cette infusion, elle vient aussi, elle se transmet plutôt dans la partie enseignement. On a des étudiants qui étudient dans les travaux pratiques des expériences, et notamment cette expérience de violation des inégalités de Bell dans un format qui était repensé. Évidemment, pour qu'il soit pédagogique, accessible dans un TP de 4h30. Par là, le fait de le voir en vrai. Ça prend tout son sens. C'est toujours très satisfaisant en tant qu'étudiant. Je peux pas réussir. Voir ce qu'ils ont mis en mécanique quantique. Pour de vrai, c'est une expérience. Alors après, il y a l'autre. Les charmes d'utilisation, qui n'est plus l'émission, mais tout le temps de tester les inégalités de Bell, mais d'utiliser l'application pour faire autre chose. Donc, l'autre chose, c'est que toute l'information quantique qui repose énormément sur la manipulation d'objets quantiques individuels, et dès qu'on les manipule, on les intrigue. À partir des années 80, va naître un véritable engouement autour de l'intrication quantique. Une fausse idée va voir le jour. L'utilisation d'états intriqués pour les communications. Cryptographie quantique, calcul et ordinateur quantique. Les pistes de recherche se multiplient. Évidemment, on parle beaucoup de photons, hein, ici on est à l'Institut d'Optique, mais la mécanique quantique s'attend pas uniquement sur du photon. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'implication entre des systèmes qui comportent d'autres types de particules, d'autres types de systèmes. Une des expériences, que j'essaye de mettre en place, et qui a donné déjà pas mal de résultats, c'est d'intriquer un photon avec un autre type de particule, qui est un plasmon, qui se propage dans des circuits. Donc on va pouvoir utiliser de l'intrication pour guider la lumière dans des circuits, l'orienter et traiter l'information à des toutes petites échelles, en espérant petit à petit finalement donner un autre domaine d'extension à ce qu'on fait aujourd'hui en électronique. Alors, ce qu'on cherche à faire dans notre expérience, ça serait de faire intriquer deux particules massives. Contrairement aux photons, les atomes ont une masse, donc sont soumis à la gravité. Et si on arrive à intriquer les atomes, on peut avoir des effets de gravité sur l'intrication. Et donc relier à partir de cette mesure à deux domaines, deux pans de la physique qui sont disjoints pour l'instant, c'est la mécanique quantique et la relative de vide. Maintenant, dans les technologies quantiques, l'intrication est omniprésente. Donc on peut pratiquement rien faire sans faire d'intrication. C'est devenu presque banal. Oui, il n'y a aucun doute qu'à l'intrication. Ah non, pas non. Pour un certain nombre, pour la plupart des applications qu'on envisage aujourd'hui et qu'on appelle les technologies quantiques. Tout ça, évidemment, moi, ça me vient du contact que j'ai eu avec mes profs, avec les chercheurs. Chercheurs, les profs, et tout ça, oui, ça donne une filiation, ça donne un sentiment générationnel, et ça donne envie de continuer de transmettre pour la vie. Thank you. Avec tout un certain nombre de grands sous Upanishad, et particulièrement dans ce qui, un peu plus tard, va devenir l'Advaita Vedanta, tel qu'il sera théorisé et exposé par quelqu'un comme Shankara au 8e siècle. Alors c'est en compagnie de Joachim Lecros, qui est chargé de recherche au Fonds national de la recherche scientifique belge, que nous allons en quelque sorte accomplir ce périple. Et dans la façon que nous avons ainsi d'explorer, éventuellement, long le vieux des grandes structures de pensée, et donc la manière dont on peut penser que l'homme, à travers les âges, dans des conditions extraordinairement différentes, est représenté la marche vers l'être, l'existence de cet être, et la façon dont éventuellement on peut le découvrir. Et de ce point de vue-là, évidemment, nous sommes dans une vue de la philosophie extrêmement différente de l'idée que nous en nourrissons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une philosophie spéculative, mais nous sommes bien dans ce contexte de la philosophie antique, dans lequel on n'était pas un véritable philosophe si le but de sa vie n'était d'abord le soin de soi-même, le souci de son âme, et pour reprendre le mot d'Épicure, la guérison de la blessure ontologique originelle à laquelle nous sommes tous. Les dieux ne l'atteignirent point quand ils couraient devant eux. Oui, cela qui ne se meut pas dépasse les autres qui courent. Cela s'active et ne s'active pas. Cela est loin, cela est près. Cela est intérieur à tout, cela est extérieur. Et en même temps, à l'époque des auteurs de l'Occupe, c'est-à-dire essentiellement Plotin et Porphyre, on constate qu'il y a un certain renouvellement de la tradition. C'est une série de textes qui apparaissent pendant une période très courte, sur une vingtaine d'années, grosso modo entre 310 et 330 de notre ère. On a la réfutation de toutes les hérésies de Saint Hippolyte, qui est un texte dans lequel il y a une description du mode de vie des Brahmanes. Le Brahman vivant dans le sud de l'Inde, c'est-à-dire que là, c'est clairement des informations qui sont nouvelles par rapport aux informations d'Alexandre qui contaminent essentiellement le nord de l'Inde et plutôt le Pakistan et l'Afghanistan actuel. On a aussi la vie d'Apollonius Gatien, de Philostrate, où on a constaté que certains rites les sont décrits avec une grande précision à côté d'informations qui sont empruntées aux pontifes littéraires gréco-romains hérités des anciens des compagnons d'Alexandre et de Mégastère. Là aussi, il y a une série d'informations nouvelles. Alors, par ailleurs, Porphyre, le disciple de Plotin lui-même, a écrit deux textes sur les Brahmanes d'Inde, sur les gymnosophistes, sur ce qu'on appelle les gymnosophistes, les sages taureaux, dans le grec ancien. Or, Porphyre nous raconte que son maître Plotin avait voulu entreprendre un voyage vers la Perse et l'Inde, voulait connaître ce qu'il appelait la philosophie des Perses et des Indiens. Donc, vous voyez qu'à cette époque-là, ça ne posait pas de problème de parler de philosophie à propos des sages orientales ou barbares. Donc, Plotin aurait entrepris un voyage dans l'armée, une expédition avec l'empereur Gordien III, qui fut assassiné lorsque ses troupes étaient en Turquie actuelle. Et Plotin aurait été contraint de fuir, et donc ce voyage manqué de Plotin, en quelque sorte, montre quand même qu'il y avait un intérêt réel chez les premiers néoplatoniciens, donc à la fois les deux textes de Porphyre et le voyage manqué de Plotin. Ça montre qu'il y avait un intérêt. Donc moi je me suis demandé sur cette base-là, qu'est-ce qui s'est passé si Plotin avait réussi à aller en Inde, et quel type de venir vous donner dans mon neveu qu'elle ne peut produire que de n'apporter la rencontre entre le lien platonique venant pas et certains points de glace, parce que nos intuitions qu'on trouve déjà dans les Upanishads ou les Bhagavad Gita et qui seront confirmées plus tard, alors une époque qui est de 5 siècles, c'est-à-dire de celle de Platon et Porphyre, qui est le 8e siècle, qui est l'époque de Shankara, mais Shankara systématise une série de traditions antérieures. Alors c'est ce qu'on appelle l'Advaita Vedanta, le Vedanta non dualiste. Donc sans parler d'influence, il y a en tout cas des rencontres dans le type de pensée, le type de questions posées. Et donc c'est essentiellement là-dessus que je travaille maintenant. Absolu en tant qu'il n'est aucune part le sadhana brahman, le brahman doté de qualité, le brahman dont on peut affirmer une série de choses auxquelles on peut rendre un culte. Au passage, on peut dire d'ailleurs qu'une dimension religieuse est moins présente chez Plotin que chez quelqu'un comme Shankara. Mais toujours est-il que cette distinction entre Nirguna Brahman et Saguna Brahman chez Shankara et la distinction faite par Plotin entre l'un dont on ne peut rien affirmer et l'être qui est la totalité des choses, dont on peut affirmer, on peut tout affirmer, on peut affirmer qu'il est tout et son contraire, mais cette distinction-là est évidemment très proche. Alors concernant la notion d'Atman, on traduit généralement par soi, la traduction par âme étant probablement influencée elle-même par les concepts de l'Atman. Donc là, l'Atman, on traduit par soi, et la thèse selon laquelle cet Atman est identique au Brahman, donc la thèse selon laquelle le soi transpersonnel est l'unité de l'ensemble des êtres individuels est identique au Brahman, à l'absolu, donc au principe du macrocosme, en quelque sorte le principe du microcosme est identique au principe du macrocosme. Cette thèse-là rejoint aussi très fort la pensée de Plotin pour laquelle il y a une âme universelle, unité de l'ensemble des âmes individuelles, et cette âme universelle elle-même doit en quelque sorte s'abolir dans le monde intelligible, dans le premier temps, et ensuite dans l'âme. Comment pourrait-il s'embrasser? Et comment pourrait-il souffrir s'il discerne en lui l'unité? L'âme circonscrit toute chose, elle est lumineuse et sans corps. On ne peut la blesser, puisqu'elle n'est ni chair ni os. On ne peut mentir la souillure, puisque le mal ne la vaut pas. Effectivement, de l'idée l'identité des hommes particuliers avec Lachman et l'identité dernier de Lachman avec le Brahman. Bon, j'ai beaucoup pensé, je crois peut-être dans la quatrième idée, le plus tard individuel, entre tous les hommes sectaires qui sont des parties intégrales, si vous voulez dire, de l'âme du monde. L'âme du monde, effectivement, renvoyant là. Et en même temps, je pense que cette hymne du Rigveda, dans laquelle on dit que le Brahman originel, à la limite, est avant l'être et le non-être. Donc, à la limite, on ne peut plus rien en dire, effectivement, puisqu'il échappe à toute désignation. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas si vous avez pensé ou pas, mais on a l'impression qu'on tombe, je dirais, en fait, compte sur une des grandes structures de la pensée humaine. Oui, alors effectivement, c'est toujours en ce terme-là que le débat est bon. Y a-t-il une influence historique ou y a-t-il rencontre entre les expériences de pensée fondamentales d'ailleurs, les deux interprétations ne s'excluent pas forcément. En tout cas, il y a une immense très forte. L'une des idées fortes qu'on retrouve, par exemple, dans la Bhagavad Gita et dans les Lignes de Plutin, c'est l'idée selon laquelle le principe n'est pas altéré par la possession. C'est-à-dire que toutes les choses sont virtuellement dans le principe, tant qu'elles se convertissent vers lui, qu'elles tournent le regard vers lui. Mais le principe n'est pas dans les choses, il est tout à fait inaltérable et donc nullement altéré par l'existence des autres choses. C'est une idée assez singulière pour l'époque et qu'on retrouve dans les deux pensées. Et alors effectivement, au niveau des stratégies discursives utilisées dans l'Advaita Vedanta ou dans le néoplatonisme pour déligner ce principe, là il y a toute une série de choses qui reviennent et les similitudes sont assez frappantes, notamment les négations. D'une part, l'âme du Platon est Apollo, donc il est non multiple, il est non deux, donc il est non dualité, au même sens que l'Advaita Shankarien, la non dualité. Alors il n'est ni ceci ni cela, dit Platon, ce qui rejoint les formulations de certaines Upanishads, en particulier de la Brahmarayanika Upanishad, de Neti Neti, ni ceci ni cela. Alors il y a aussi toute une série d'analogies contradictoires qui sont les mêmes des deux côtés. Alors, on dit que l'absolu est partout et nulle part, il est extérieur et intérieur, il est proche et lointain, il est mouvement et repos, et chaque fois il faut affirmer les deux choses en même temps. Si on affirme quelque chose, on doit aussi affirmer le contraire, afin de ne pas enfermer justement le principe dans une détermination qui serait exclusive de son contraire. Et finalement, à travers toutes ces stratégies discursives, ce qui est visé aussi bien par ce matin que par Shankara, c'est d'arriver à travers ce discours, ce sont des textes extrêmement longs, c'est un discours qui se perd en détail et en fait multiple, pour arriver finalement à un silence qui est comme la matrice du langage. Qui fait confiance au non-savoir entre dans la ténèbre aveugle, et dans ténèbres plus épaisses, celui-là qui fait confiance au savoir. C'est que cela est différent du non-savoir et du savoir, ainsi que l'ont dit les prophètes dont nous suivons l'enseignement. Le non-savoir et le savoir, cela est les deux à la fois, qui le fait passera la mort grâce au savoir, et par le non-savoir gagnera l'immortalité. Il n'a pas besoin de venir pour être présent. Si n'est pas présent, c'est que tu t'es éloigné de lui. S'éloigner, ce n'est pas le quitter pour aller ailleurs, car il est là. Mais c'est, alors qu'il est présent, se détourner de lui. Plotin. Par rapport à la religion, en tout cas institutionnalisée, la religion telle qu'elle est pratiquée par les contemporains, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois tolérants et critiques, ils veulent amener les pratiques religieuses vers une signification métaphysique. On peut discuter de la question de savoir si la métaphysique est religieux ou pas, en tout cas, la manière dont on définit ces termes. Maintenant, il est vrai que la dialectique, c'est ce qu'on dit souvent à propos de Plotin, la dialectique est au service de quelque chose qui la dépasse, de quelque chose où la dialectique doit dépasser à travers notamment toute une exploration des notions issues du sophisme de Platon, le même et l'autre, l'identité, la différence et l'être. Ce qu'on appelle les cinq genres de maîtres de ce fils de Platon, à partir de cette exploration, Platon arrive à poser la notion d'un au-delà de l'être, comme le principe dont les genres de l'être sont finalement les lieutenants en ce qui manifeste qu'il y a dans l'être à la fois de l'unité et de la multiplicité. Donc là, on voit un exemple d'une dialectique qui est au service de quelque chose de totalement différent, de quelque chose qui la dépasse. Alors, je ne sais pas, on m'a déjà souvent posé la question de savoir si on sortait de la philosophie ou si on était encore dans la philosophie une fois qu'on pose ce principe transcendant, ineffable, inqualifiable, qui ne peut que s'éprouver, qui ne peut que se dire. On peut se poser la même question pour Shankara. Moi, je ne suis pas sûr, a priori, qu'il faille exclure ça du domaine de la philosophie. Il me semble que cette indétermination originaire, en quelque sorte, qui est à la base de toutes les déterminations que le discours dialectique déploie, si cette indétermination originaire-là ne fait pas aussi partie du discours philosophique, comme une sorte de matrice. Oui, la question qu'on peut se poser, c'est que... Est-ce que nous n'avons pas oublié depuis un siècle et demi, deux siècles, nous n'avons pas oublié ce qu'est vraiment la philosophie. Et je veux dire par là que chez les antiques, et dans même d'ailleurs je pense en partie au Moyen Âge, il y avait quand même cette idée, je pense, la grande phrase d'Épicure, le but de la philosophie c'est la guérison. C'est-à-dire que c'est pas un pur jeu de l'intellect, un pur jeu de concept, mais c'est en même temps un engagement de toute la vie. Et forcément, quand on est dans le contexte néo-platonicien, le ressouvenir de l'âme et la reconnexion de l'âme à sa source. Effectivement, on tombe sur quelque chose qui peut non pas dans la religion située, mais je dirais de l'expérience religieuse. Et apparemment, c'est la philosophie dans son mouvement même, du coup, qui est la... Oui, tout à fait. Je parlerai plutôt d'expérience métaphysique, parce qu'il peut y avoir des expériences athées, ou qui se présentent comme athées, qui peuvent viser ce genre de but. Alors, là, effectivement, c'est quelque chose d'ailleurs que l'un peut nous aider à comprendre sur notre propre passé, c'est que quand vous allez en Inde, la philosophie n'est jamais un jeu spéculatif dénué de toute implication existentielle. C'est au contraire, c'est vraiment la promotion d'un genre de vie. La philosophie est avant tout un faire, une assaise, une guérison. Et il s'agit de promouvoir un genre de vie différent de celui des contemporains, des philosophes qui promeut ce genre de vie. Genre de vie qui consiste à dépasser le point de vue individuel, à dompter ses passions et à essayer d'acquérir une expérience de fusion, ou en tout cas de coïncidence avec l'absolu, de tentative d'adopter le point de vue de l'absolu ou le point de vue du tout, et qui implique d'ailleurs toute une série de pratiques intramondaines, je pense notamment au végétarisme, aux lectures, aux méditations, une série de choses de ce type. Alors effectivement, c'est quelque chose qui ne ressort pas des textes philosophiques tels qu'ils nous sont parvenus, ou pas forcément, ou assez peu, et qui devait être une dimension beaucoup plus importante que dans la philosophie grecque, qui était une dimension beaucoup plus importante que ce que les textes reflètent, tels qu'ils nous sont parvenus. Donc là, on peut avoir une idée plus concrète de ça à travers l'observation de ce qui se passe. Pourtant, pas au non-étant total. Mais si elle prend dans la vie de son contraire, elle parviendra non à quelque chose d'autre, mais à elle-même. Et ainsi, n'étant pas dans quelque chose d'autre, elle n'est en rien, sinon en elle-même. Or, être en elle-même non-étant, c'est être en celui-là. Car, par le fait que l'on s'approche de lui, on devient soi aussi, non pas essence, mais au-delà de l'essence. Si je me rappelle bien, c'est dans la sixième étoile où Plotin explique que si le tout est vraiment tout, par définition, il ne peut rien y ajouter, et que donc à partir du moment où nous existons, nous ne sommes pas plus que le tout, en réalité l'addition est une véritable soustraction. Et que d'une certaine façon, l'homme est là précisément pour guérir cette blessure. Et à partir du moment où on admet la blessure originelle, où on admet qu'il y a un soi de l'âme, une thérapie de l'âme, finalement, alors je veux dire qu'on n'appelle pas ça religieux, je dirais qu'à la limite ça n'a pas beaucoup d'importance, mais nous sommes dans un contexte dans lequel notre expérience immédiate et l'expérience sensible est dépassée, et même se borner à l'expérience sensible, finalement, ce n'est qu'entretenir la blessure. Effectivement, c'est une idée importante, le fait que notre condition empirique est marquée du saut d'un certain oubli, d'une certaine ignorance, d'un certain non-reconnaissance du principe qui nous anime et dont nous venons tous. Et la tâche de la philosophie est d'amener une conversion vers ce principe qui est là mais que nous ne voyons pas parce que nous avons surimposé toute une série de déterminations qui sont liées à notre existence spatio-temporelle. Donc il y a une sorte de paradoxe, en tout cas un paradoxe pour nous, dans cette idée que retrancher toutes les déterminations spatio-temporelles, et pour Plotin également toutes les déterminations libres, retrancher, c'est en fait c'est se grandir, c'est ajouter quelque chose à ce que nous sommes ici maintenant. Donc lorsque nous disons je suis un tel, je vois tel ou tel objet, je conçois tel ou tel objet, nous sommes en train, pour des penseurs comme Plotin et Shankara, de surimposer une série de choses à une indétermination originaire et fondamentale qui est la matrice de toutes ces actions. Dire je suis un tel, percevoir un objet, concevoir une idée. Et en quelque sorte, donc, pour revenir à la question dans tout ça, cette indétermination originaire que l'on pourrait a priori, dont on pourrait a priori penser qu'elle est non philosophique, elle est en même temps ce qui permet à la philosophie d'être un acte, donc un acte existentiel, un acte de détermination, un acte de pensée, de perception, de réflexion sur les pensées et les perceptions, et qui est en même temps un acte de purification, d'essence et de vie. Donc c'est sur base à l'intervention originaire que la pensée philosophique peut se mettre à déterminer. C'est quelque chose qui est non philosophique et qui en même temps est l'impulsion même de développement de la pensée philosophique. En même temps, Joachim Lacrosse, à partir du moment où on est amené, et de manière extrêmement rationnelle, d'imposer qu'il y a de l'indéterminé premier, ou comme disait Lisando, de la conditionnée originelle. À partir du moment où aussi on découvre qu'il y a cette identité entre l'âme particulière, l'âme du monde, et l'âme du monde vers le principe, est-ce qu'on n'est pas forcément amené à ce qu'on a trouvé chez dans le néoplatonisme, c'est-à-dire à la suite de Plotin, même s'il y avait des disputes entre eux, ce que introduit des gens comme Francis, Rousseau, Jean-Pi, que ce qu'on retrouvait jusque chez Proclus, c'est-à-dire en fait compte une psychologie. Se rendre compte que notre âme est identique au principe, forcément, c'est aussi, du coup, comment se rendre nous-mêmes divins et finalement lever le voile de l'oubli de la partie divine qui nous fonde. Oui, alors là, effectivement, ce sont les deux grandes tendances qui ont été reconnues très tôt dans l'Antiquité, les deux grandes tendances de l'école néoplatonicienne. Dans le cas de Plotin, on peut dire que Plotin a écrit un texte, le 8e traité de la troisième Iliade, sur la contemplation, où il compare l'action, le principe, et la contemplation, théoria. Et il a essayé de montrer que toute pratique est toujours sous-tendue par une contemplation de l'intelligible par l'âme. Et dans cette optique-là, dans l'optique de Plotin, et qui ressort aussi de sa biographie écrite par Porphyre, toute action rituelle n'est qu'une métaphore, métaphore d'une contemplation fondamentale, c'est-à-dire d'une sorte de recueillement méditatif dans le tout et dans l'absolu. Dans l'action rituelle, finalement, c'est une parodie, et Plotin a été très méchant vis-à-vis de ceux qui pratiquent ce type de rite. Maintenant, c'est vrai qu'après coup, et déjà Porphyre est un peu à la charnière, puisque Porphyre, lui, dans son travail de propagande doctrinale, en quelque sorte, dans son travail de diffusion de la pensée de Plotin, a eu tendance à essayer de convaincre des gens qui pratiquaient la dévotion, ou des gens qui allaient par exemple voir les oracles d'Apollon. Alors on a des textes de Porphyre sur les oracles d'Apollon, où on voit qu'il était donné une interprétation plus vigilante, donc une interprétation qui se ramène à cette fusion de l'âme avec l'absolu, à travers un certain nombre, à travers des choses qui, au départ, n'étaient pas, ne renvoyaient pas à ce type d'expérience. Alors à partir de cet effort de Porphyre pour adapter la philosophie néoplatonicienne aux exigences religieuses du temps, en quelque sorte, après coup, est née, on appelle la théologie, donc l'action sur le divin, et effectivement, où le rite est devenu un moyen de purifier la vie de l'âme à part entière, et non plus une métaphore ou une parodie de la purification de l'âme. Dans la pensée de Plotin, c'est pas encore un mouvement qui est présent. Et chez Shankara, on retrouve le même genre de critique, notamment dans l'opposition entre Vedanta et Mimamsa, entre le Vedanta qui est l'interprétation métaphysique des Vedas, la Mimamsa qui en est plutôt la codification ritualiste, on retrouve le même genre d'opposition qu'entre Plotin et les néoplatoniciens ultérieurs. Et d'ailleurs, dans la vie de Plotin, un moment Porphyre nous dit oppose la figure de Plotin. Qui est le philosophos, il est figure d'Aminus, qui n'arrête pas de vouloir emmener Plotin dans tel ou tel temps, pour telle ou telle cérémonie, et la figure d'Aminus, qui lui est philotutos, donc l'amoureux de rite, s'oppose dans cette perspective-là à l'amoureux de la philosophie. D'ailleurs, Plotin avec cette phrase assez énigmatique, c'est aux dieux de venir à moi et non pas à moi d'aller vers eux. Ce qui semble d'ailleurs s'opposer à la phrase qu'il a prononcée à sa mort, je m'efforce de faire remonter le divin qui est en moi, au divin qui est dans le tout. Mais en fait, Plotin ne parle pas du même divin dans lequel il est en moi. Et plonge d'elle, faire entendre clairement la science la plus secrète, celle dont la connaissance affranchira de tout mal. Les hommes qui n'ont pas foi en cette doctrine, ô héros terribles, impuissants à m'atteindre, retombent dans les sentiers de la transmigration et de la mort. C'est moi, dénué de toute forme sensible, qui ai déployé cet univers. Tous les êtres sont en moi, et moi, je ne suis pas en eux. Et à vrai dire, les êtres ne sont pas dans moi. Admire ici ma puissance souveraine. Mon être porte les créatures. Il n'est pas dans les créatures. Et c'est par lui qu'existent les créatures. Comme un grand vent toujours en mouvement dans l'espace, ainsi nous partout. Ainsi faut-il entendre que toutes les créatures sont en moi. Bhagavad Gita, chant 9. Et particulièrement à travers des figures comme celle de Plotin, mais aussi bien à travers le courant du stoïcisme, et même, nous avons le droit de découvrir, lorsqu'il est convenu d'appeler l'épicurisme, Pirado nous montre donc comme la philosophie est d'abord et avant tout une pratique, la manière dont nous guidons notre vie, afin de faire rendre son véritable sens, et où donc, à strictement parler, il n'y avait pour les anciens pas de philosophie possible, ni même imaginable, qui, dans son cœur et dans son horizon ultime, ne soit d'abord et avant tout un exercice spirituel. En tout cas, et continuellement, il dépend de toi de te réjouir avec piété de ce qui arrive présentement, de te conduire avec justice avec les hommes présents, et d'examiner avec méthode la représentation présente. Pour ne rien admettre de la pensée, qui soit inévitable. De cette tradition spirituelle de la philosophie, pensez que nous sommes issus, dans notre milieu chrétien, des grandes œuvres de Scott Origen, puis de Maître Eckhart. Maître Eckhart, dont la radicalité vis-à-vis de la notion même d'être, puisqu'il pense qu'il y a quelque chose d'avant l'être, il y a un être barré, en quelque manière, qui serait le principe premier, le principe indicible, le principe hors de toute représentation à partir duquel nous sommes fondés, Maître Eckhart donc dans sa radicalité, qui ensuite a été négocié par plusieurs de ses successeurs, au nombre desquels il faut compter, si ce n'est son successeur, c'est pour moi son contemporain, au nombre desquels donc il faut compter Jean de Ruysbroeck, qui vivait au début du XIVe siècle, dans sa retraite de Groenendaal, dans ce qui est aujourd'hui la Belgique, et dont on republie aujourd'hui l'habitation intérieure aux éditions Arfier. l'habitation intérieure, qui est précisément la manière d'explorer cette marche de l'âme vers le mystère qui se dérobe et qui est introduit par la préface écrite à la fin du 19e siècle, mais qui n'a rien permis de son activité, introduisant par la préface de mon réflexeur. Quant à moi, suivant le conseil du sublime amour, j'ai si profondément pénétré les choses occidentales que j'ai trouvé la liberté et l'absolution des liens. Et enfin, puisque nous sommes dans cette travée au-delà même de l'histoire, qui traverse l'histoire dans l'influence qui se fait de cette spiritualité qui cherche à s'éprouver à travers l'expérience la plus intime de l'âme en quête de son principe, je voudrais attirer l'attention sur l'édition ou une nouvelle traduction de Saint-Jean de la Croix, La vive flamme d'amour en édition. La vive flamme d'amour, pensez qu'il s'agit d'un poème écrit après le cantique spirituel, la reprise donc du cantique des cantiques, où on voit l'âme en quête de son principe, en quête de son Seigneur qui souffre de son absence. C'est un poème écrit après la nuit obscure, c'est-à-dire l'épreuve de l'âme plongée dans la solitude et au plus fort du désir, mais du désir hanté sur le manque, et où la vie flamme d'amour est donc précisément le débouché de ce mouvement au moment où se produit l'union, où l'âme a retrouvé à la fois son passé et son horizon. Vive flamme d'amour, comme tu blesses tendrement de mon âme le centre le plus profond. Puisque désormais tu n'es plus cruel, achève maintenant si tu veux. Déchire la toile de cette douce rencontre, ô potère suave, ô délicieuse plaie, ô douce main, ô touche délicate qui a le goût de la vie éternelle et qui paie toute dette. En tuant, tu as changé la mort en vie.